Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'émission que vous allez entendre est une espèce d'ovni radiophonique. Un voyage vers des mondes étranges, pourtant bien ancrés dans notre réalité. Lieux et objets chargés, c'est le titre de cette émission, le quatrième épisode d'une série de 5 nuits magnétiques consacrées aux croyances et aux superstitions. On y entend parler de lieux hantés, de médailles miraculeuses et de quantités d'objets associés à des sorts ou à des enchantements. Alors par quel miracle cet attirail ésotérique, d'ailleurs souvent très banal, se charge-t-il en énergie, bonne ou mauvaise ? Par quel moyen la magie fait-elle irruption dans notre quotidien ? C'est ce que nous raconte cette émission. Nuit magnétique, bonsoir. Je viens de recevoir une lettre assez bizarre. Je sais que vous préparez un dossier sur les croyances. Et c'est une chose qui m'a vraiment étonnée, je vais en lire un petit peu. Chaîne Saint-Antoine. On me l'a expédiée, je vous l'envoie. Cette chaîne vient du Venezuela, écrite par un légionnaire. Elle doit faire le tour du monde. Même si vous n'êtes pas superstitieux ni croyant, faites attention à ce qui suit. Monsieur Bernard la reçoit en 55. Il fait faire 24 copies par sa secrétaire et les fait envoyer. Il voit sa condition sociale s'améliorer rapidement. Monsieur Dallette eut la chaîne et la fit brûler. Sa femme et ses enfants trouvent la mort dans l'incendie de leur maison. Lui-même est à l'hôpital psychiatrique dans la région parisienne. Monsieur Saffer eut la chaîne et la jeta. Il fut tué dans un accident 9 jours après. En aucune raison, cette chaîne ne doit être laissée. Faites 24 copies et envoyez-les. Vous aurez dans 9 jours une agréable surprise. Bien cordialement. Alors, il s'agit d'une lettre donc photocopiée que je reçois à mon adresse, mon nom mal orthographié. Et je dois dire que la première réaction, c'était une réaction de peur. Et que j'ai envisagé un instant, pendant une demi-heure, d'envoyer, de faire ces 24 copies, de trouver des gens. Et je faisais le tour des gens à qui je pouvais l'envoyer. Je dis, je ne vais pas l'envoyer à des amis parce que ce n'est pas possible. Donc prendre des gens dans l'annuaire pour l'envoyer. Parce que à la lecture de ça, ça m'a fait vraiment un choc, un nœud d'angoisse. Parce que qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On trouve que de la menace et du chantage à la peur. Je connais une boutique qui est dans ma rue et cette boutique, elle a été fermée pendant 10 ans. Je vous parle de ça il y a 30 ans. Il y avait une histoire d'héritage. Elle a été vendue depuis 10 ans au moins 8 fois et à chaque fois ça ne marche pas. Il y a quand même bien des interdits dans des boutiques. y a des lieux desquels je suis partie en courant, comme ça, mais sans raison apparente, j'allais pas, on peut pas mettre ça en équation. Troisième œil, par Liliana Bainsour, Laurent Danon-Boileau et Bruno Sourcy. Ce soir, lieux et objets chargés. Il y a des lieux qui sont considérés comme dangereux, ils sont perçus comme étant chargés de forces occultes. Lucie Desideri. Mais ce sont des lieux qui sont chargés uniquement à certaines heures du jour, midi par exemple, ou alors à la tombée de la nuit, ou la nuit. Ce sont essentiellement les carrefours, les sorties de village, là où le village se sépare de l'espace sauvage, des terres incultes et du maquis. Ce sont les seuils des églises et les cimetières, mais aussi certains points d'eau situés dans l'espace sauvage du maquis, rivière ou ruisseau. Là, on peut toujours craindre de faire des rencontres dangereuses avec des revenants, précisément. Mademoiselle Charlet. Moi, j'insisterai un petit peu sur le fait qu'il y a des envoûtements qui se font sans envoûteur. Le seul fait d'avoir justement des objets qui, eux, portent en eux un tas de vécus précédents qui ne sont pas bons, parce qu'il ne s'est pas passé de bonnes choses, des choses heureuses autour d'eux. Et où, dans une maison où il y a eu des crimes, des malheurs, de la guerre, tout ce que vous voudrez. Les gens qui s'installent là-dedans, qui n'en sont pas conscients, qui le ressentent sans le ressentir et qui insistent, tôt ou tard, si vous voulez, ils incorporent ces sortes de pensées, ces rémanences qu'il y a dans les murs, et sans s'en rendre compte, ils redeviennent les possesseurs de ces pensées. Si vous voulez, ils prennent à leur propre compte et s'en font ensuite les porte-paroles. Alors, en fait, ils sont envoûtés, ils deviennent une sorte d'autres personnalités, ils sont phénomènes de dédoublement eux-mêmes. Tout d'un coup, il leur sort des idées, des goûts, des pensées qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent en fait aux murs dans lesquels ils vivent maintenant. Donc, vous voyez, on peut parler d'envoûtement, or il n'y a pas d'envoûteur. Il y a en fait tous les gens, toutes les générations précédentes qui n'y sont pour rien, qui ont été elles-mêmes victimes de tout ça, et qui ont imprégné les murs, qui suintent, vous savez, tout un vécu que d'autres gens peuvent incorporer. Alors, le malheur du monde vient que ces gens, s'ils s'en aperçoivent, ou si d'autres interprètent mal, ils disent, oui, c'est la sorcière du coin, oui, c'est votre voisin qui vous a envoûté, alors on va tuer son chien, vous voyez. Alors, on renchérit encore en plus sur le malheur du monde, et on relance encore la malédiction, alors qu'en fait, il faudrait simplement peut-être par un exorcisme, quel que soit l'exorciseur, je veux dire, par là, ça peut être un bouddhiste, ça peut être un prêtre, c'est quelqu'un de bonne intention, un chevalier blanc, entre guillemets. Quelqu'un qui vienne simplement dégager la matière du mauvais esprit en général, pas d'un mauvais esprit, mais du mauvais esprit en général qui plane. Et ça suffirait éventuellement pour remettre les choses en place, pour soigner le terrain. Et c'est un petit peu l'objet, si vous voulez, de ces sciences dont on ne parle pas beaucoup en France parce que peut-être qu'elle est trop intéressante, qui s'appelle la radionique, qui consiste par, si vous voulez, c'est une espèce d'énorme radiesthésie, à changer, à transformer la nature du courant magnétique pour que la chose, le parasite qui se nourrit de ce magnétisme, n'ait plus de raison d'exister puisqu'il aura un magnétisme ambiant qui ne lui conviendra plus. Disons que les endroits comme le Père Lachaise, j'ai bien l'impression, en fait, qu'il y a des courants, un type d'ondes, qui, vu que ça me donne des migraines, sont plutôt de l'ordre de l'infrason ou des choses comme ça. Donné par quoi? Par toute une configuration, alors des pierres, des formes, des couleurs, des intentions des gens, peut-être la nature du terrain, les eaux qui passent en dessous, le bruit ambiant, tout ça, ça forme, vous voyez, quelque chose de très matériel, en fait, très scientifique, dirons-nous. Mais bon, maintenant, aux gens de science de s'en débrouiller, mais le vécu est à ce niveau-là. Bon, alors, depuis au moins 20 ans, j'avais des problèmes au point de vue santé. J'ai un mari malade depuis 10 ans et mon affaire marchait mal. Quand mon mari était malade... La propriétaire d'un restaurant envoûté. Il y avait deux solutions. Ou nous vendions, ou bien nous transformions. Puis un jour, je me suis dit, je me jette à l'eau. Alors, j'ai transformé en empruntant tout et en essayant d'éponger un passif. En empruntant. Et puis, la première année, ça n'allait pas bien du tout. Je faisais un bon chiffre d'affaires, mais ça ne rapportait rien. La deuxième année, pareil. J'ai donc transformé en 71. En 73, une personne me dit, allez donc voir ce père, vous verrez, il est très bien. Allez le voir. Alors donc, je vais le voir. C'était au mois d'août 73. Et il me reçoit et il me dit, vous savez, vous êtes envoûté. Je lui dis, oh, envoûté, moi, c'est impossible. L'envoûtement, ça n'existait qu'au XVIIe siècle. Moi, ça a été arrêté pour Lavoisin, mais c'est tout. Et j'avais mon fils avec moi, alors je commence à l'armichonner. Et il me dit, mais si, si, il y a un très gros envoûtement. Enfin bon, et pendant 6 mois, il est venu me faire ici ce qu'il avait, son travail, son exercice. En faisant des prières dans les coins, en venant dans les salles, uniquement par prière et de l'encens. Voilà, uniquement. Et assez quotidiennement, au début, et ensuite une fois par semaine, et ensuite c'était terminé. C'était plus la peine. Ça a été très bien fait. Voilà. Et au bout de 6 mois, mon affaire est bien repartie. Et alors, il y a un détail assez curieux, parce que j'ai un comptable. C'est un expert comptable qui s'occupe de ma maison depuis longtemps et il a cru que j'allais faire faillite. Et l'année d'après, en 1974, il m'a dit, écoutez, voilà madame, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai cru que vous alliez ne pas tenir le coup et vous alliez faire faillite. Et depuis la deuxième partie de 1973, votre affaire est repartie, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment. En plus, c'est absolument un incroyant de toutes ces choses-là. D'exorcisme, je ne pourrais même pas lui en parler. Et depuis, mon affaire marche, j'ai quand même des bénéfices, j'ai eu des contrôles, j'ai eu beaucoup de choses. Et maintenant, nettement, je marche bien. Voilà, tout cela grâce au père, uniquement. Le père est venu ici pour me lever cet interdit que j'avais. Parce que je peux vous dire une chose, que des clients, ensuite, sont rentrés dans ma maison en disant « Mais est-ce qu'il y a longtemps que vous tenez ce restaurant ?» Et je leur ai dit, oui, il y a déjà 22 ans. C'est formidable. Nous sommes passés 10 ans sur le pont, on ne l'a jamais vu. Et c'est incroyable. Les gens qui venaient prendre un autobus, passaient tous les jours dans la maison, eh bien, jamais, jamais ne m'ont vu. Jamais n'ont pu me voir. Je peux vous dire une chose, c'est que je ne raconte pas des boniments. Moi, c'est la réalité. Toute personne qui m'interrogera, je pourrais lui dire. J'évite de donner mon nom parce que tout le monde dans les restaurants n'apprécierait pas cette chose-là. Mais si vous avez quelqu'un qui veut vraiment que je vous donne des détails, n'a qu'à venir me trouver. Alors là, je lèverai mon anonymat pour la personne. Mais ça a été absolument exceptionnel. Voilà. Thank you. Monsieur B, prêtre, qui a demandé que sa voix soit modifiée pour garder l'anonymat. Voyez-vous, il y a une possibilité de matérialiser tout le mal ou tout l'envoûtement qu'on peut avoir sur soi. C'est-à-dire, s'il vous a été souhaité une maladie ou autre chose, donc il est possible de matérialiser ce mal. Pour cela, nous prenons une pierre que vous voyez, on dirait un quartz, et ça s'appelle le cheb en arabe. C'est un minerai, ça s'appelle le cheb. On prend une parcelle, un morceau de cette pierre que l'on garde sur soi pendant 3, 4, 5 jours, et cette pierre va absorber toutes les vibrations, va se charger, n'est-ce pas, de ce qui a été souhaité et de des effets que vous avez. Quelques jours après, donc, on prend cette pierre, on la fait cuire, on la met directement à la braise avec donc des invocations, des prières, et devant vous, cette pierre se matérialise, prend le dessin exact de ce qui a été fait. La pierre se transforme devant vous, n'est-ce pas, la pierre, on a l'impression de main invisible qui modèle, qui manipule la pierre et qui lui donne la forme, comme si on travaillait sur une pâte glaise, enfin sur la terre glaise. C'est une matérialisation, puisque la pierre vous donne exactement le dessin et l'image de ce qu'il y a, ce qui a été fait ou ce qu'il y a. Et en même temps, la pierre, pour donner ce dessin, est obligée donc d'absorber, de dégager, de libérer, n'est-ce pas, la personne de ce mal. Donc ça fait également un transfert et en même temps une libération du mal. Par exemple, là, je peux vous montrer ce que j'ai pu récupérer sur certaines personnes. Là, voyez-vous, cette pierre m'a donné le cancer de l'utérus. Vous voyez, l'utérus est bien fait, on voit très bien l'intérieur et tout le mal. Également, ceci est une dame qui volontairement a arrêté une grossesse. Vous voyez très bien donc un cercueil, l'enfant, donc un enfant dans le cercueil. Là, c'est un monsieur qui est venu me voir ayant des problèmes sexuels, enfin des paresses sexuelles. Et voyez-vous également, j'ai une verge, et voyez-vous comme elle est très bien faite avec donc, le gland. Ceci est un jeune garçon de 21 ans qui lui-même a été frappé d'impuissance, et après traitement médical, hôpital, n'ayant pas donné de résultat, est venu me voir. Et voyez-vous, on voit très bien prépuce, donc voyez-vous, presque un moulage. Couramment, ce qu'on appelle avoir le mauvais œil, la pierre me donne, voyez-vous, un œil, un orbite et un œil, un globe. Donc c'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Et ceci est également la pierre, je crois, la plus belle que l'on puisse avoir. C'est un accouchement. Voyez-vous donc les lèvres de la femme et l'enfant qui sort, voyez la tête, voyez les épaules, et voyez tous les bras. Allan Kardec, fondateur de la... Monsieur Dumas, spirit. De ce que l'on appelle la doctrine spirit, qui on peut le considérer comme un des précurseurs de la parapsychologie, qui a en même temps fait un travail d'analyse des différents phénomènes, de classement des différentes sortes de phénomènes, de facultés paranormales, et qui en même temps affirmait que ces phénomènes étaient dus à l'action des esprits désincarnés, d'une part, et dans certains autres, de l'âme humaine libérée, en quelque sorte, comme dans le rêve ou ce que l'on appelle le dédoublement. Allan Kardec affirmait donc que l'âme possédait une sorte d'organisme fluidique, disait-il, que l'on appellerait de nos jours un organisme énergétique, une sorte de d'ensemble d'une architecture invisible, de lignes de force en quelque sorte, servant de support à l'organisme matériel. Et c'est ainsi que le spiritisme explique les apparitions, les matérialisations partielles d'organes qui ont pu être obtenus, par exemple les gants de paraffine que l'on a obtenus à l'Institut métapsychique international. Ce sont des mains matérialisées qui barbotaient dans un récipient de paraffine fondue, et il en ressortait des moules, des gants de paraffine de moins d'un millimètre d'épaisseur, représentant des mains croisées ou des mains avec le poignet serré, sans aucun raccord. Lorsque l'on mettait du plâtre dans ces gants, on s'apercevait qu'il s'agissait de mains parfaitement constituées, avec tous les détails de la peau, les lignes de la main, les veines et les muscles, etc. Et, particularité supplémentaire, c'était des mains d'adultes, mais en dimension réduite. Non pas des mains d'enfants, mais des mains d'adultes en dimension réduite, ce qui était encore un cas supplémentaire de leur authenticité. Parce que des mains ordinaires n'existaient pas de ce format, voyez-vous. Et d'autre part, alors, les frères Gabrielli, experts mouleurs du Louvre, ont été consultés à ce sujet. On leur a demandé d'examiner tout cela, d'essayer d'en faire autant. Et ils ont dit qu'ils ne voyaient pas du tout comment on pouvait obtenir... C'était pour eux absolument inexplicable. Et que pourtant, c'était bien des mains vivantes qui avaient servi à faire ces moules. Alors, la théorie du spiritisme, c'est que ces mains se reconstituent à cause de ce support énergétique dont je vous parle, et qui est le vêtement de l'âme, si l'on veut, n'est-ce pas? Et que par conséquent, notre corps, lui aussi, actuellement, eh bien, on peut le considérer comme une matérialisation. Autrement dit, que la matérialisation n'est pas un phénomène surnaturel, c'est un phénomène naturel, mais dans des conditions anormales, dans des conditions exceptionnelles. C'est ce périsprit, c'est le nom que Allan Kardec donnait à cet organisme dit fluidique, qui se sert de support à l'organisme matériel et qui sert aussi de support à ces phénomènes de matérialisation ou d'apparition, dont les unes sont absolument la reproduction d'organes anatomiques complets, et d'autres sont vaporeux, transparents, parce que la condensation matérielle, en quelque sorte, est moindre, voyez-vous. J'ai assisté à une matérialisation d'une petite danseuse dans une réunion à Londres avec un médium écossais qui ne savait parler qu'un patois écossais très, très grossier et qui, en état de transe, parlait un anglais tout à fait remarquable. Et la matérialisation à laquelle j'ai assisté était une personne toute fluette qui chantait sur le pont d'Avignon à l'honneur des visiteurs français qui étaient là, voyez-vous. Alors, cela peut paraître absolument invraisemblable, bien sûr, mais enfin, les faits sont là. Je dois dire qu'en compagnie d'un écrivain décédé maintenant qui s'appelait Gabriel Gobron, nous avons examiné le local de fond en comble pour savoir s'il y avait un autre personnage qui avait pu passer par une trappe ou qui aurait pu jouer le rôle, un rôle de figuratif dans cette affaire, et nous avons été obligés de nous rendre compte qu'il y avait eu bien un phénomène paranormal. Thank you. ethnologue. Lorsque je suis rentrée au musée des arts et traditions populaires, ma grande découverte est passée par le rapport que les gens eux-mêmes ont avec ces objets. Et ça, je l'ai découvert à un moment donné où il y a des gens qui se sont mis à envoyer des objets magiques au musée. Et ils les ont envoyés parce qu'ils avaient la trouille, parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, parce que, sans doute, ils étaient dans un système de relations un peu déstructuré où ils n'avaient pas à leur portée un désenvoûteur, par exemple, qui puisse annihiler la puissance de ces objets. Et le musée est apparu comme une sorte de puits non compromettant, qui avait une sorte de pouvoir, parce que c'est une institution, et où les gens étaient tout à fait sécurisés en se disant « c'est anonyme, on envoie ça là-bas, ils vont les mettre dans leur réserve ou dans leur vitrine, nous on a la paix ». Alors quand ces objets sont arrivés au musée, effectivement il y a plusieurs genres de problèmes qui se sont posés. D'une part, du côté de la conservation de ces objets, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut les exposer? Après tout, ces objets sont dits « maléfiques ». Alors on adopte soit la position rationaliste qui consiste à dire tout ça c'est de la blague, on rigole bien, on les met n'importe où, n'importe comment, et ça ne porte pas à conséquence, soit on prend en compte d'une façon très ethnographique la parole des gens sur ces objets et on décide de marcher dans le système, ne serait-ce que pour voir d'ailleurs. Et finalement on a fait venir un magnétiseur et on a joué le jeu, c'est-à-dire on lui a demandé: racontez-nous quelque chose sur ces objets, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, séance d'ailleurs absolument extraordinaire dans les bureaux, quoi, dans un cadre tout à fait banal et quotidien, où par exemple, sur un miroir maléfique qui nous avait été envoyé, le personnage que nous avions fait venir a commencé alors à se servir d'une part de dessin, parce que c'est pas seulement les objets en tant que tels qui ont un pouvoir, mais toute ligne tracée de main d'homme est une sorte de fil conducteur pour des énergies. Donc, d'une part, il importe que cette ligne soit tracée le plus exactement possible, et d'autre part, il y a des figures symboliques dont le répertoire est traditionnel, sceau de Salomon, etc., qui sont censés avoir des pouvoirs tout à fait concrets, absolument concrets. Pour ces gens, ça ne fait aucun doute. Donc, alors, il a commencé, par exemple, par essayer alors, il s'est rendu compte au premier coup d'œil que le miroir était complètement mauvais, très, très déchargeant des tas de trucs. Alors nous, évidemment, on sentait rien. C'est lui qui a raconté tout ça. Et il a commencé par dessiner un certain nombre de figures qu'il a mises derrière le miroir pour essayer d'en annihiler la puissance magique. Alors il y avait un sceau de Salomon, il y avait une croix des Templiers. Enfin bref, au bout de toutes ces opérations, la puissance magique du miroir était toujours présente. Et c'est ce qui a déterminé ce magnétiseur à se livrer à un autre système qui était de se servir du pendule, par exemple, pour vérifier les forces qui agissaient sur le miroir. Bon, il s'est rendu compte que c'était très fort, enfin que ça confirmait enfin, son diagnostic, et s'est livré à de la voyance. Alors pour cette voyance, il a mis les mains sur le miroir. Et puis, il s'est complètement laissé aller, si vous voulez, fait le vide, d'ailleurs en fermant les yeux. Et finalement, il a eu très peur. C'est-à-dire, il a commencé à voir des trucs, c'est-à-dire à nous dire, voilà, je vois une femme tout en noir, c'est très mauvais, ce miroir a tué. Enfin bon, il a eu tellement peur, et vraiment, c'est pas un trouillard, qu'il a arrêté la séance. Et qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas aller plus loin, qu'il ne fallait pas réveiller les forces à l'œuvre dans cette chose-là, et qu'il fallait absolument conserver le miroir dans telle et telle condition, certainement jamais l'exposer. Et, bon, ben voilà. Alors ça, c'est une chose. Alors à partir de là, il y a des choses intéressantes à faire et qu'on a faites. C'était d'aller voir les gens qui avaient envoyé ces miroirs pour savoir d'où ça venait, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui les avait déterminés à nous envoyer, pourquoi à nous, et à quoi ils avaient joué avec ça. Et c'est une histoire qui est presque classique. Par exemple, la personne qui nous a envoyé ce miroir correspond à d'autres personnes qui nous ont envoyé d'autres objets. Ce sont des gens qui, par une sorte de curiosité, se mettent à collectionner des objets magiques. Et puis, finalement, ils sont pris à leur propre jeu ou à leur propre piège. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces objets se révèlent, en tout cas à leurs yeux, tout à fait maléfiques et dangereux, et on expulse l'objet. Et par exemple, dans ce cas-là, cet objet avait été donné à la personne, à la victime, si on peut dire, par quelqu'un qu'elle connaissait fort bien, qui l'avait en sa possession, dans sa famille, depuis très longtemps. Et c'est sur les insistances de la victime, de la future victime, que le miroir lui a été donné. Puis finalement, ce miroir, elle n'y a plus pensé. Enfin, je ne sais pas, elle l'a mis dans un coin, dans un grenier, dans un chiffon. Enfin bon, et un jour, elle a ressorti ce miroir qu'elle a mis en plein milieu de sa salle à manger. Et m'a-t-elle dit, au bout de 8 jours, un couple qui se connaissait depuis 17 ans, enfin, qui vivait ensemble depuis 17 ans, s'est séparé avec pertes et fracas. Elle a commencé à faire une dépression nerveuse. Enfin, il s'est passé un certain nombre de choses qu'elle a mises en série, qu'elle a attribué à l'objet, d'autant plus que des gens venant chez elle, qui étaient plus ou moins médiums, avaient immédiatement repéré le miroir sans qu'elle leur en parle. Et elle avait prise d'une sainte panique, finalement. Elle nous l'a envoyé. Voilà comment ça s'est passé. Jean-Paul Favan, antiquaire. J'ai acheté dans une galerie un récipient. À l'époque, je ne savais pas nommer autrement que récipient. Il était en cuir, et sans doute du cuir de récupération sur des paravents frappés à la fleur de lys. Il avait la forme d'une demi-sphère, le tout recouvert de cuir, et 3 personnages le supportaient, le surélevaient. Des personnages qui représentaient des femmes, elles-mêmes drapées dans le moulé dans le cuir. Le visage était en papier mâché, et l'impression que produisait cet objet était très, très forte. Cet objet m'a été vendu comme étant un objet de sorcellerie du Berry. Je l'ai donc ramené précieusement à la maison, puisqu'il était fragile. Et pendant près de 3 ans, il m'a servi pour recevoir mon courrier. Je remarquais malgré tout qu'il impressionnait toutes les personnes qui le voyaient. À l'exposition, il a été présenté et j'ai eu beaucoup plus de renseignements. On l'a localisé comme étant un récipient qui servait à recevoir les clous de cercueil pour les cérémonies d'envoûtement dans le Berry. Région qui, comme chacun le sait, est hautement qualifiée, hautement connue en France pour sa fréquentation, la fréquentation des sorcières. L'objet en question présenté à l'exposition a provoqué des réactions, dont une personne, une sorcière, qui se disait telle, m'a signifié que si on mettait la main à l'intérieur, on aurait de très grandes chances de mourir dans des délais très brefs. Or, encore une fois, pendant 3 ans, je m'en suis servi pour mettre mon courrier. Je crois qu'un objet comme ça, dans un objet comme celui-là, on y trouve vraiment ce qu'on y apporte. C'est-à-dire que je l'ai vu comme un bel objet, avec une esthétique. Mais j'ai ressenti la puissance qu'il pouvait représenter, mais non pas une charge ou un échange possible entre lui et moi. Décembre 1979, une exposition sur l'art démoniaque au Louvre des Antiquaires. Là, pour le moment, effectivement, vu une exposition, ça ne fait pas peur, mais par moments, je crois que ça doit être assez angoissant quand on est plus ou moins perturbé soi-même, quoi. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas... Non, tout de même, je crois qu'on a dépassé ces époques, non, de croyance en sorcellerie. Et l'époque de Méphisto est quand même d'un peu dépassée, je crois. Et ceci étant, c'est, j'avoue que c'est curieux, je ne m'attendais pas du tout à voir que ce soit aussi démoniaque. Voilà. Je ne sais pas comment appeler tous ces objets, mais ils sont assez extraordinaires et assez inquiétants. Mais très beaux, chacun de ces objets ont quelque chose d'assez maléfique, probablement. Moi, ça me fascine. Je m'y intéresse depuis longtemps, de toute manière. Oui, oui. Je pense pas être un bon... Je ne vois pas ce que j'ai à vous dire, de toute manière, là-dessus. J'ai participé à l'exposition, j'ai prêté des objets, donc... comme c'est rare que... Je sais pas, je crois qu'il n'y a jamais eu d'exposition dans ce domaine, de fait encore, qui rejoint l'art démoniaque. Et donc, bon, c'est intéressant de se remettre avec quelques autres personnes qui ont des objets, qui sont collectionneurs. Et puis, c'est bien, moi, je trouve ça bien, de montrer un peu ce qui s'est fait dans ce genre. Enfin, on n'a pas... D'ailleurs, tout n'a pas été montré. Il y a plein d'autres pièces fabuleuses qui n'ont pas pu être montrées, d'ailleurs. Des pièces carrément de messe noire qui ont servi, des pièces plus dures. Pourquoi elles n'ont pas été montrées ? Oui, il y a quelques problèmes de censure, des choses comme ça, quoi. Quand même, au niveau de l'organisation, c'est quand même une expo qui doit rester un peu esthétisante et pas trop tomber dans le... Qu'est-ce qu'il y avait comme autre objet ? Bon, plein d'objets, de rituels, de choses comme ça. Il y avait plein de choses. Et puis, il y a même dans les œuvres contemporaines, comme sur Journiac, il y avait plein de lieux de Journiac. Il y a eu des pièces enlevées parce qu'il y avait des symboles trop phalliques ou comme ça, ou de mort un peu trop fort. Quoi. Les outils du sorcier, moi, ça me fait doucement rigoler quand on voit... Monsieur de Montaigu, sorcier à Paris. Quand on voit des gens qui parlent d'objets de sorcellerie, qui parlent d'atamé, c'est-à-dire l'atamé, c'est le couteau rituel, etc. Quand je vois des gens qui se groupent en coven, quand je vois des gens qui parlent d'objets extrêmement enfin, dignes d'un respect presque, enfin, c'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme, il faut bien se mettre dans la tête qu'en fait la sorcellerie c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qui est senti, qui est vécu, qui est physique, et mental sans doute, mais qui est très très viscéral. Et il n'y a pas d'objet de sorcellerie. Si vous voulez, moi, c'est assez curieux, mais un couteau de sorcier, c'est un couteau, c'est le couteau avec lequel le sorcier va couper son saucisson, c'est le couteau avec lequel le sorcier va couper de la ficelle s'il a de la ficelle à couper. À la limite, un couteau de sorcier, c'est un bon opinel, c'est un couteau qui est solide, c'est le couteau du paysan, c'est le couteau qu'il a dans sa poche. Il n'y a pas cette espèce d'affabulation, de fétichisme des objets en sorcellerie, ça c'est absolument aberrant. Et si vous voulez, bon, les objets qu'on peut avoir, et bien ma foi, bah oui, quand on a besoin de pointes, on prend des clous. Bon, traditionnellement, on prend des clous de cercueil. Bon, je veux bien, mais enfin, ils sont un peu courts. Le problème n'est pas très juste. Les supports qu'on va utiliser, on va utiliser par exemple une dagide, en fait, une statuette d'envoûtement. Alors, une statuette d'envoûtement, si vous voulez, c'est en fait une petite statuette qui est soit en argile. En argile, parce qu'en fait c'est une matière noble, c'est une matière naturelle, d'ailleurs c'est bien mis dans la Bible, c'est la glaise, hein, et puis, ou alors la cire d'abeille qui est aussi une matière noble et qui a la particularité d'être un milieu extrêmement neutre. Alors on va constituer une petite dagide avec certaines plantes qui vont être fonction de la planète occulte de la personne sur qui on va travailler, de sa spécificité planétaire, de sa typologie planétaire. Et cette petite statuette qui va être fabriquée non pas à l'image de l'intéressé, parce que tous les sorciers ne sont pas des sculpteurs hors pair, mais c'est tout simplement une petite statuette anthropomorphe, parce qu'en fait, c'est la tradition qu'il veut. En fait, on pourrait se contenter d'un simple support, c'est-à-dire de deux petites plaquettes de cire vierge, ça ferait exactement le même effet. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de plus important en sorcellerie, en fait, la qualité la plus importante en sorcellerie, c'est en fait l'imagination. Donc l'imagination va suppléer, si vous voulez, à la au manque de représentation de l'objet. Bon, cette statuette qui est en principe donc de caractère anthropomorphe, elle fait environ une dizaine de centimètres de haut, 10-12 centimètres. Ça, c'est aussi la tradition qui fait ça, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus pratique à dissimuler, surtout dans les périodes noires du Moyen-Âge. Et cette statuette, ben, elle est en général sexuée. Et on va la creuser pour placer les éléments corporels de la personne sur qui on veut travailler. Alors ça, c'est une statuette d'homme, d'ailleurs, ça se voit. Enfin, elle a un phallus qui est évident. Hein, bon, bah, ma foi, à partir du moment où j'ai un problème qui s'adresserait à une femme, j'opérerai une petite castration, ce qui serait absolument pas gênant. Si vous voulez, j'ai un moule, enfin, j'ai un moule adagique qui, il est toujours plus facile de soustraire que d'ajouter, surtout à partir d'une statuette. Enfin, il y a les seins, éventuellement. Oui, mais enfin, vous savez, on se contente d'une silhouette très approximative. Il m'est arrivé très souvent de pratiquer l'envoûtement avec simplement une petite boulette de glaise que j'avais pétrie. Hein. Non, je vous dis, il faut pas du tout faire du fétichisme au niveau des objets de la sorcellerie. Je vous dis, ça se résume en fait à des choses extrêmement simples. Le début. Nous, les guillettes consistent à faire un ou plusieurs nœuds à un cordon, un ruban ou une ficelle au moment de l'échange des anneaux lors d'une cérémonie nuptiale. Le mari ainsi maléficié ne pourra remplir son devoir ou deviendra rapidement impuissant. Par fantaisie damnable, écrit Ambroise Paré, le sorcier s'efforçait de rendre les hommes si malhabiles à sacrifier à Madame Vénus que les pauvres femmes qui en ont bien à faire pensent qu'ils sont châtrés et plus que châtrés. Afin d'éviter les effets de ce que le bibliophile Jacob appelle le plaisant épouvantail de nos pères, les fiancés prenaient diverses précautions consistant à consommer le mariage avant sa célébration officielle, mettre deux chemises à l'envers le jour des noces, placer une bague sous les pieds de l'époux pendant la cérémonie, tiens bonne idée ça, manger un pivert rôti assaisonné de sel fini, dire trois fois en se signant Ribad, Nobal et Varnobi, mettre du sel dans les poches de l'époux, faire dire avant la messe du mariage l'évangile de Saint Jean, respirer la fumée du don calciné d'un homme mort depuis peu, uriner trois fois dans l'anneau conjugal en disant In nomine patris. On pouvait également uriner dans le trou de la serrure. Frotter de graisse de loup les montants de la porte du logis nuptial. Prononcer trois fois Yémon avant le lever du soleil. Écrire sur un parchemin neuf à l'aube naissante une formule magique commençant par Avigazir Thor et s'achevant par Bénité Aiguillette, je te délie. En dehors de la messe de mariage, on pouvait à tout moment nouer l'aiguillette en recourant à ce procédé mentionné dans les manuscrits de Paul Mie. Ayez la verge d'un loup nouvellement tué, ayant approché de la porte de celui que vous voudrez lier, vous l'appellerez par son nom propre, et dès qu'il aura répondu, vous lirez la dite verge lequel a sept fils blancs. L'œil d'une belette enchâssée dans un anneau offre heureusement une garantie contre un tel danger. Mais ça vaut la peine, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh si, terrible. Ce texte, exposé au Louvre des Antiquaires, était lu par une visiteuse de l'exposition. Thank you. Jeanne Favre-Saada, ethnologue. Attendez, je vais vous chercher la façon dont elle m'a été adressée, cette médaille. J'ai reçu une lettre d'un père bénédictin, d'un frère bénédictin, plus exactement, qui m'a envoyé la notice explicative de la médaille. Voilà. Madame, des gens qui, il avait écrit, qui sont, et il s'est ravisé, il a écrit, qui se croient victimes des sorts, viennent de temps en temps au monastère. C'est le père prieur, entre parenthèses, 75 ans, qui les reçoit et les console comme il peut. Bon, je passe un petit passage. Il conseille la prière et donne aussi une médaille miraculeuse et une médaille de Saint-Benoît avec la petite notice explicative ci-jointe pour éviter les abus. Bon. Alors, si moi, j'ai regardé cette notice explicative qui, en soi, constitue un abus. C'est-à-dire que on vous explique qu'il existe une médaille de Saint-Benoît, bon, dont j'ai plusieurs exemplaires et dont il faut avoir dans ses poches quand on est ensorcelé, qu'il faut clouer au-dessus de l'étable, par exemple, au-dessus du foyer, à l'entrée de la maison, enfin, à tous les points faibles de la maison qui pourraient être attaqués par les sorciers, dans les chemins, enfin, à l'entrée des chemins, à l'entrée au seuil de la porte, etc. Hein. Bon, ces médailles sont donc distribuées par les moines bénédictins, et aussi par des prêtres, enfin, bon, mais surtout par les moines bénédictins. Il s'agit donc d'éviter qu'on en fasse un usage superstitieux. Et ce texte est censé donner les moyens d'éviter ça. D'un côté de la médaille, il y a la bobine de Saint-Benoît. C'est-à-dire, on sait que c'est bien lui, hein, le patriarche, etc. Et de l'autre côté, il y a une croix portant plusieurs initiales, qui sont les initiales des vers latins, de vers latins qu'évidemment aucun croyant ne connaît, et qui disent ceci, CSPB, Croix du Saint-Père Benoît, Crux Sancti Patrice Benedicti. Bon, c'est-à-dire, on vous dit, c'est bien une croix. Alors, quand il s'agit d'une table, on ne vous dit pas, c'est bien une table. On a besoin de marquer que c'est bien la croix de Benoît, celle qui fait des miracles, celle qui a, comme on va l'expliquer dans la notice, celle qui a même sauvé un pape, le futur pape Saint Léon IX, fut encore adolescent, miraculeusement guéri par Saint Benoît, lui apparaissant dans une vision et le touchant d'une croix. Bon, donc il s'agit de montrer que Saint Benoît faisait des miracles avec la croix et que si on a la croix avec la bobine de Benoît, elle ne peut que faire des miracles. Bon. Sur la branche verticale de la croix, SML, que la Sainte Croix soit ma lumière. Sur la branche horizontale, NDSMD, que le dragon ne soit pas mon guide. En bordure à partir du haut à droite, Vade Retro Satana. Non quam suade mihi vana, retire-toi Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Bon, ensuite, SMQLIVB, les breuvages que tu offres, c'est le mal, bois toi-même tes poisons. Bon, ça sont des admonestations qu'on fait à Satan pour qu'il ne vienne pas nous attaquer, et on lui renvoie le mal comme on le fait toujours en sorcellerie. On renvoie le mal sur celui qui l'a envoyé. Bon. Enfin, dans la notice, il est dit qu'il y a un chapitre sur les effets de la médaille, dans lequel on dit « Le port habituel de la médaille a pour effet de nous mettre sous la protection spéciale de Saint-Benoît, surtout si l'on y joint la confiance dans les mérites de ce grand saint et dans les vertus de la croix. » Dans le chapitre précédent historique, on donnait toute une série de miracles produits, soit par des bénédictins, soit par d'autres, mais plutôt des bénédictins, pour peu qu'ils brandissent la croix. Bon, cette croix est d'un puissant secours, cette médaille est d'un puissant secours contre les embûches du démon et pour obtenir des grâces spirituelles, conversion, apaisement des tentations, des inimitiés. Bon, là, les ensorcelés lisent seulement apaisement des inimitiés, c'est-à-dire vos ennemis, les sorciers, vont se calmer. Donc, elle protège contre les embûches du démon, mais elle préserve aussi des accidents de tout genre, guérit les maladies, protège le bétail, etc. Petite note 1. Contre les maladies, on peut faire boire l'eau dans laquelle on a plongé la médaille en traçant avec elle le signe de la croix. Comme moyen de protection, on peut la fixer dans les maisons, chambres, étables, clôtures, jardins ou au berceau, voitures, machines, etc. Bon, donc ça, c'est exactement l'usage que font de la médaille les ensorcelés. Pour se protéger, ils trempent la médaille dans l'eau bénite et ils la fixent sur le seuil des maisons, aux étables, sur les berceaux, etc. Bon, ça, c'est l'usage magique de la médaille qui est donc là cautionné tout à fait par l'Église, puisqu'il s'agit d'un texte qui a reçu l'imprimature, qui est signé par un évêque et un abbé de Saint-Pierre de Solesmes et qui date de 57 et qui est toujours aujourd'hui distribué dans les monastères et dans les églises. Bon. Donc là, il est clair que l'Église cautionne cet usage magique de la médaille. Et tout d'un coup, immédiatement après cette petite note, le texte vire complètement et on dit ceci. Cependant, cette médaille n'agit pas à la façon d'un talisman qui nous immuniserait automatiquement contre toute adversité. À l'exemple du Christ, tout chrétien doit porter la croix. Il faut que nos fautes soient expiées, que notre foi soit éprouvée et notre charité éprouvée, afin que grandissent nos mérites. Bon, c'est-à-dire que tout d'un coup, on commence à nous annoncer que un chrétien, c'est celui qui porte sa croix, comme le Christ, c'est-à-dire qui encaisse les malheurs sans broncher, qui remercie Dieu de lui avoir envoyé des malheurs. Et là, Saint Benoît, lui sert seulement, la référence à Saint Benoît sert seulement à nous faire supporter des épreuves. Alors, enfin, à mon sens, il y a deux versants dans ce texte, totalement contradictoires l'un avec l'autre, hein, qui serait un versant religieux, où il s'agit d'aimer Dieu seul et aucun objet, c'est-à-dire ni sa vie, ni son bétail, ni ses biens, ni quoi que ce soit de ce monde, mais Dieu seul, qui a le droit de nous priver de tous les biens auxquels on peut tenir, de tous les objets auxquels on peut tenir, la vie, le bétail, etc. Et que plus on se dépouillera pour Dieu, et plus on sera près de lui. Et un second versant purement magique, où les biens de ce monde comptent tout à fait, où il s'agit de ne pas les perdre, et que cette médaille vous aide à ne pas les perdre. Et il n'y a aucun, enfin il y a une simple juxtaposition de ces deux théories dans le même texte, si bien que le frère Luc, qui distribue cette médaille, peut la distribuer en disant qu'il la distribue pour éviter les abus, puisque le versant religieux est tout à fait représenté dans ce texte. Enfin, la théorie selon laquelle il faudrait se dépouiller de tout bien pour Dieu. Mais pour les paysans, évidemment, ils ne vont pas la chercher pour ça, parce que ils y vont pour le versant magique, et tout le monde le sait, les moines comme tout le monde. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être bien qu'il n'y a pas de religion du tout, enfin que le religieux, ça n'existe jamais en dehors d'un certain lien avec la superstition qui doit toujours être conservé, parce que c'est pour ça que les gens y vont. Et que ce lien avec la superstition, toute religion doit le désavouer perpétuellement, mais sait très bien que c'est à cause de ça qu'elle a sa clientèle. Dans cette médaille, il y a aussi des éléments, enfin, s'il s'agit de religion, incroyable. Il y a, bon, évidemment, qu'elle doit être bénie par un prêtre bénédictin. Mais il est dit aussi, une médaille sérieusement détériorée, c'est-à-dire dont les signes, par exemple, seraient, dont les lettres, là, les initiales, seraient effacées, ou sur laquelle on ne verrait plus qu'il s'agit de Saint Benoît. Une médaille sérieusement détériorée perd sa capacité d'être indulgencier. C'est-à-dire, même si elle a été bénie par un moine bénédictin, par un père bénédictin, même si on a prononcé les prières qui sont associées à cette médaille dans l'esprit de foi et dans un lieu bénédictin et dans les conditions qui sont indiquées là, qui sont très nombreuses et très précises, si on utilise une médaille dont les signes sont légèrement effacés, on n'a pas les indulgences. Ça veut bien dire que l'objet compte en tant que, enfin, que ce qui fait qu'il s'agit de religion, c'est qu'il y a un objet. C'est-à-dire que c'est réellement l'objet qui, par lui-même, produit des effets. Pierre Meillet, chargé des relations avec la presse au diocèse de Paris. La question de médailles, d'images, etc., c'est une chose extrêmement respectable. Respectable parce qu'elle nous sommes, elle nous présente une sorte de rappel. Que ce n'est pas l'image de Saint-Benoît ou la médaille de Saint-Tel qui va nous préserver du mal. Ce n'est pas un gris-gris qui est mis à notre disposition. Et que ceux qui portent ce gris-gris seront à tout jamais libérés de toutes les puissances du mal. Jamais dans l'Évangile, il a été dit qu'une médaille serait donnée à ceux qui voudraient s'écarter du mal et que si les inscriptions qui étaient effacées s'effaçaient, il n'y aurait plus aucune véracité et aucun effet. Jamais. Alors, qu'il y ait une série de traditions qui se soient mises en place pour permettre à des gens de se souvenir qu'ils doivent toujours être prêts à paraître devant Dieu et qu'il faut par conséquent être sûr un peu à chaque instant d'être dans ces dispositions qui nous permettent d'avoir ce salut et que Saint-Tel ou la médaille de Saint-Untel va nous rappeler cela, je dis bravo, mais pas automatiquement et magiquement parlant que ce gris-gris, fût-il pieux, peut nous en préserver. J'ai été militaire, j'ai fait la guerre, j'ai fait la campagne de 40 et j'ai fait la bataille de Dunkerque. Et je me souviens, avant d'embarquer, dans des moments que vous pouvez imaginer assez délicats, à ce moment-là, l'artillerie ennemie tirait sur nous et il y avait des morts à chaque instant auprès de mes camarades qui m'entouraient. Et je vois l'un d'eux qui vient, rampe vers moi et me dit « Dis donc, est-ce que tu ne pourrais pas me bénir la médaille de Sainte Thérèse ?» Je lui dis, écoute, je crois beaucoup en la vertu de Sainte Thérèse, que j'aime beaucoup, mais je crois que le moment n'est pas de bénir une médaille. Tu vois, on va être tués l'un et l'autre, probablement dans quelques instants, je ne sais pas. Par conséquent, il faut mieux être prêt, être trouvé prêt, à paraître devant le Seigneur qui va nous juger. Moi, je veux bien prier avec toi, peut-être par l'intercession de Sainte Thérèse, mais je ne veux pas accorder, par ma bénédiction, à une médaille, le pouvoir de nous en sortir sans difficulté. Je dois dire que malgré tout, nous en sommes sortis tous les deux. Des objets, il y a des objets extraordinaires. Et c'est en ça que le diabolisme est intéressant, parce qu'il a permis des créations qui n'auront peut-être pas eu lieu si on n'avait pas cru au diable. La représentation, les objets ayant rapport avec la sorcellerie, quand ils sont fabriqués, surtout dans les campagnes, sont très liés à l'art populaire. Jean-Paul Favant, antiquaire. Mais si l'on pousse plus loin, dans la mesure où il servait, ou la création de ces objets servait à exorciser des fantasmes propres à des individus, il se rattache à l'art brut, en oubliant toute la partie de tradition. Cela est même en opposition avec l'autre source créative d'objets de sorcellerie, qui sont les objets symboliques qui, eux, font appel à la tradition. Les objets d'art brut sont les objets d'art brut, les objets de sorcellerie fabriqués par les particuliers, si je ne dis pas les sorcières, parce que tout le monde peut fabriquer un objet de sorcellerie, pas forcément une sorcière, sont simplement le symbole de ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, et qui peut l'exprimer peut-être avec maladresse, mais son message n'en est pas moins là. Et on peut faire un rapport aussi entre ces objets liés à la sorcellerie et des objets liés à une forme d'exorcisme populaire dans les fêtes. D'ailleurs, la sorcellerie, au début, était un peu une fête. Le sabbat était précédé par les fêtes de la Saint-Jean. On peut faire un rapport entre les dagides, les poupées d'envoûtement que l'on perçait avec des clous afin d'envoyer certains mots à la personne visée et les massacres qui servaient dans nos fêtes populaires pour fustiger certains personnages. On représentait soit Guillaume II, soit Hitler, pour ceux qui sont plus récents, ou bien alors des personnages politiques, ou la religion, ou la belle-mère. C'était beaucoup plus inoffensif, mais enfin, à savoir si les épingles sont offensives. Journiac, plasticien. Je crois qu'il y a une chose importante. C'est qu'il y a eu 16 000 personnes qui soient venues à cette exposition. C'est donc 16 000 personnes que ne satisfaisaient pas le courant de vie actuel, enfin la manière dont ils étaient. 16 000 personnes aussi qui ont essayé de regarder les objets, encore une fois, chargés. Et même très très chargés, puisqu'ils étaient définis, nommés, art démoniaque, etc. Il y avait une étiquette, c'était plaqué dessus. Hein. Bon, je crois que cet art démoniaque, ils en ont besoin, comme ils ont besoin d'un art dit religieux, parce que tout art n'était pas démoniaque et religieux à la fois. Il n'y a pas d'art qui ne soit pas sacré. L'art est par définition la magie. Seulement, il y a un moment donné où, après avoir atteint une sorte de degré zéro au niveau de la peinture, il y a à réinventer, peut-être un peu bêtement, mais certainement dangereusement, l'art au niveau, l'art en utilisant les mythes religieux, magiques et autres, pour atteindre quelque chose de différent. Dans la plupart des cas, enfin, si ce n'est pour la magie qui continue à exister, à tenir le coup, beaucoup de choses ont disparu, même au niveau religieux, etc. Mais il faut... Alors, c'est tombé dans le domaine esthétique. Et je trouve que c'est absolument absurde que, par exemple, en voyant un objet, on dise « c'est du domaine de l'esthétique et n'est pas du domaine religieux, du domaine de la magie, du domaine du sacré ». Maintenant, je me demande si d'une certaine manière, le sacré ne pourra pas passer que par le plan esthétique. Picasso, j'adore ses jongleries picturales. Récupérer une selle de vélo, en faire autre chose que cela, en faire la tête d'un taureau, là, ça devient du domaine, effectivement, de la magie. Qu'est-ce que c'est que la magie si ce n'était la tentative par des mots à l'origine ? Puisque c'est ça, c'était des mots et des gestes, c'était essayer de court-circuiter ce qui se passait, ce qui était dû à la nature, mais en ignorant les lois de la nature, si tant est qu'il y ait des lois. Je pense que tout ça, effectivement, était du domaine de la magie, reste du domaine de la magie, mais reste plutôt devient du domaine de l'art. Et je crois que, alors peut-être, que je crois fondamentalement que les objets, pas n'importe quel objet, les objets faits par par l'homme et dans un but précis, sont tout à fait porteurs d'une charge ou dangereuse ou maléfique. Je serais peut-être pas loin de croire au portrait d'Dorian Gray. Où à ce moment-là, on substitue une image à sa propre vie, et c'est l'image qui vieillit, qui se détruit, jusqu'au moment où cette vie que l'on a gardée en apparence comme une image, et où l'on est beau, où tout va bien, se détruit quand on détruit l'image. Je crois qu'on détruit un être en détruisant son image, l'image que vous avez de moi ou l'image que j'ai de vous. Si on la détruit, on vous détruira et on me détruira beaucoup plus fortement que matériellement. Le troisième œil, lieux et objets chargés, par Liliane Abinsour, Laurent Danon-Boileau et Bruno Sourcy. Malicorne, la danse des damnés. Le maître de cette maison, bien poliment fut leur dire qu'il était temps de s'arrêter, car le grand Dieu allait passer. Allez lui dire à ce misérable qu'il vienne s'asseoir et prendre un verre. J'ai du bon vin sur notre table, qu'il vienne s'en verser un coup. Va-t'en lui dire que contre nous, nous ne craignons Dieu ni garde. Nous prétendons de contre lui de danser jusqu'à la minuit. Ces paroles audacieuses. Ils ont dansé, ils dansent encore, ils danseront jusqu'à la mort. Chaque soir, après le troisième œil, sur les mêmes thèmes, Laure Adler reçoit un écrivain. Daniel Carrère, avec Geneviève Hivert, vous avez fait une enquête dans le Cotentin, près du Mont-Saint-Michel, sur une femme qui s'appelle Madame Hénault et qui petit à petit, s'est sentie investie d'une mission et qui est devenue, entre guillemets, sorcière. Comment a commencé cette enquête? On l'a appris tout simplement par la radio et par la presse lorsque cette femme a été arrêtée pour escroquerie et non-assistance à personne en danger. Alors nous sommes allés dans ce petit village et nous avons essayé de voir ce qu'il y avait derrière cette accusation stricte. Et là, nous nous sommes aperçus que c'était une histoire qui peut paraître invraisemblable à notre époque, mais qui a eu des ramifications très importantes, qui a concerné des centaines de gens. Et c'est à partir du moment où nous nous sommes aperçus de ça que ça nous semblait d'abord tellement impensable, mais en plus tellement vrai, que nous avons décidé d'aller plus loin et d'essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Alors au départ, il y avait une femme, Madame Hénault, qui tenait un petit commerce de tissus dans un petit village, qui était, qui travaillotait un petit peu, qui n'avait rien de spécial. Absolument rien de spécial. Physiquement, c'est une femme de la campagne. Elle a une certaine allure. Elle ne passe pas inaperçue. Ses yeux sont perçants, comme on dit des sorcières. Enfin, de là à en faire une sorcière, c'est un très grand pas. Et ça n'est que petit à petit, après la mort de son fils, qu'elle a commencé à se sentir des pouvoirs et à les exercer sur son entourage et puis sur des gens qui venaient de plus en plus loin. Alors, premier événement, donc la mort de son fils. Oui. Les médecins n'ont pas su de quoi son fils était mort. Oui. Et là, elle n'a pas voulu croire à un accident, ni à une maladie. Son fils de 20 ans, elle n'a pas voulu admettre qu'il soit mort. Elle a donc essayé de trouver des raisons extraordinaires. Elle a trouvé quelqu'un qui peut-être lui voulait du mal. Enfin, elle a peu à peu plongé dans un univers irrationnel. Et un an après la mort de son fils, elle a eu une vision, le Christ, son fils à sa droite, qui lui disait qu'il fallait qu'elle arrête ses activités commerciales et qu'elle se consacre à aider les autres, à les faire prier, à les aider à prier, etc. Alors, elle a cru à cette apparition. Alors, elle a cru complètement à cette apparition. En même temps, pour elle, c'était une façon de faire revivre son fils. C'était une façon de se donner à elle une importance qu'elle n'aurait jamais eue autrement. Et aussi, certainement, d'utiliser des pouvoirs qu'elle a, qui sont réels, même s'ils n'ont rien d'extraordinaire. C'est-à-dire l'emprise qu'elle a sur les gens, ça, c'est tout à fait réel. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette histoire a pu être possible. C'est qu'elle comprenait les gens, elle savait comment les atteindre, comment les toucher, elle les aidait et elle les dominait complètement. Alors donc, à la suite de cette apparition, elle fait d'une partie de sa maison, c'est-à-dire de la chambre de son fils, un lieu de culte, et les gens commencent à arriver. Oui, elle a commencé par soigner les bêtes. Dans les villages, c'est le processus normal. Son mari était marchand de moutons. Il était donc facile pour elle d'aller dans les fermes. Non pas qu'elle y allait d'elle-même, mais elle entendait dire, on lui disait, tel mouton est mort de façon inexplicable, il y a une épidémie. Et elle allait dans les étables et elle faisait quelques simulacres de sorcellerie. Elle utilisait le sel béni, l'eau bénite, elle faisait des signes de croix, plus quelques procédés qu'elle inventait elle-même. Bon, et parfois, ça réussissait. Les maladies des animaux sont souvent inexplicables. Peu à peu, les gens lui ont demandé également pour eux-mêmes, pour les maisons, et elle s'est fait, disons, une clientèle importante et surtout qui avait vraiment un immense besoin d'elle. Alors cette clientèle a commencé à venir et puis ça a commencé à devenir tellement important que ça faisait presque phénomène de secte autour d'elle. Oui, la secte s'est venue beaucoup plus tard. Les gens d'abord sont venus vraiment pour des maladies, toutes sortes de maladies. Ils venaient de loin et ils venaient des gens de tous les milieux sociaux. Il ne faut pas croire que parce que ça se passe à la campagne, il s'agit de gens un peu, disons, arriérés, comme on a tendance à le croire souvent. Il s'agit de gens tout à fait normaux qui vivent dans leur siècle. Et il y avait des gens qui venaient des villes voisines. Il y en est même venu de Paris. Il y avait des avocats, des médecins, des notaires, en fait, des gens vraiment de tous milieux. Et évidemment, pour elle, paysanne sans avenir, c'était certainement très grisant. Et ça a fait certainement qu'elle a été peut-être au-delà de ce qu'elle pensait au départ. Cette idée de secte, c'est pas elle qui l'a eue. Mais peu à peu, dans son entourage, elle a eu des séminaristes, 7 séminaristes. Bon, d'ailleurs, plus ou moins en rupture de séminaire. Mais qui donnaient à son activité un caractère officiel et religieux. Et à partir du moment où ces séminaristes ont été autour d'elle, on a cru, tout le monde a cru qu'elle avait l'accord officiel de la religion. Mais elle a toujours, d'ailleurs, elle a toujours cherché à l'avoir, oui. Et s'est inscrite toujours dans la religion absolument, chrétienne. Absolument, oui. À chercher et des bonnes relations avec le curé. Le curé du village a d'abord commencé par la soutenir. Il faut dire que le curé du village, il croit au diable absolument comme elle. Alors, il n'y avait pas de raison qu'il n'entre pas dans ce jeu. Alors, à partir du moment où il y a eu ces séminaristes autour d'elle, on a l'impression que vraiment, cela change de proportion, que ça devient absolument terrifiant. Oui. Et là, elle est un petit peu dépassée, certainement. C'est eux qui prennent un certain nombre d'initiatives, eux qui inventent une espèce de pseudo-religion, dont elle est à la fois la Vierge Mère, en même temps, c'est elle qui dirige... qui comme un pape un petit peu, le lieu, la future Rome, ce sera ce petit village de Savigny où elle habite. Enfin, ça prend des proportions de délire complètement. Certainement, elle a été un peu dépassée là, mais en même temps, elle ne pouvait plus reculer. Donc les gens continuent à la suivre. Les gens continuent à la suivre. Puis alors, un fait très, très effrayant et très spectaculaire aussi, c'est qu'un certain nombre de jeunes filles autour d'elle, 7 également, et évidemment, ce chiffre n'est pas par hasard. Avaient des crises telles qu'on les a qualifiées de possédées. Et effectivement, elles avaient tous les signes extérieurs des grandes possédées d'autrefois. Les convulsions, les yeux révulsés, les bras qui se tordent, qui prennent une force extraordinaire. Enfin bon, tous les signes qui sont reconnus maintenant comme étant les signes de l'hystérie. Et ces jeunes filles, il est certain qu'elles les avaient complètement sous sa domination. Elle était capable de créer la crise et de la faire s'arrêter à volonté. Alors évidemment, les gens qui assistaient à ces spectacles... Parce que oui, vous dites assister, parce qu'effectivement, c'était une véritable mise en scène. Ah oui. On était conviés à regarder les convulsions de ces demoiselles. Ah oui. Bon, en même temps, ces filles souffraient énormément. Elles n'inventaient pas tout cela. Elles avaient besoin d'elle et elles n'arrivaient pas à se défaire de cette dépendance. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fur et à mesure que le pouvoir donc de cette femme augmentait, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle a été l'objet finalement du désir des autres et qu'elle s'est laissée complètement, complètement dépasser ? Absolument. C'est ce qu'on a essayé de montrer. C'est que certainement elle a eu au départ, elle, cette idée, hein, cette apparition, c'est elle qui l'a eue, mais de plus en plus, elle a répondu au désir des gens, aux besoins d'elle qu'ils avaient. Les gens qui étaient malades, qui avaient vu tous les médecins, qui avaient fait toutes les choses possibles et qui n'avaient plus aucun espoir, arrivaient à trouver un réconfort en elle, et elle répondait à ce besoin. Et plus on la grandissait, eh bien, plus elle marchait dans ce chemin. Donc l'histoire s'est mal terminée, elle a été arrêtée puis condamnée. Oui. Pour assistance de personnes en danger. Non, assistance de personnes en danger. Parce qu'un de ses fidèles se laissait mourir de faim, il se croyait possédé du diable. L'entourage de cet homme... ne le nourrissait pas, lui donnait seulement du sel béni et de l'eau bénite. Et elle a été accusée de cette maladie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a eu affaire avec la justice. Sinon, ça faisait 20 ans qu'elle agissait ainsi et que toutes les autorités le savaient, bien entendu. Elle était très connue. Alors donc, elle a été condamnée, puis elle est ressortie de prison. Oui, elle a fait, je crois, 3 mois de prison préventive, ce qui était beaucoup pour une femme qui a plus de 70 ans. Et qui a été très marquée par cet événement. Oui, car le procès a été évidemment le moment propice pour que toutes les passions pour elle ou contre elle. Elle avait bien sûr attiré contre elle à la fois beaucoup de dépendance et beaucoup de reconnaissance, mais aussi beaucoup de haine. On ne passe pas inaperçu, surtout dans un petit village comme le sien, lorsqu'on agit de cette façon-là, lorsqu'on sort de la voie ordinaire. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de haine contre elle. Et maintenant, où elle vit ? Oh, elle est restée dans sa maison. Je pense que maintenant, elle ne reçoit plus de gens. Elle est certainement très marquée et très vieillie par cette arrestation. Elle était certainement très loin de penser qu'elle risquait cette arrestation. Et vous lui avez donné ce livre, elle l'a lu ? Oui, mais elle ne veut plus en parler. Elle ne veut plus rien en dire et je crois qu'il faut la laisser tranquille. La désencrodeuse de Daniel Carrère et Geneviève Hyvert, une sorcière d'aujourd'hui, aux éditions Stock 2, Voix de femme. Boutique, Annie Lebeg, Édouard Passafium, Laure Adler, Laurent Danon-Boileau, Bruno Sourcy et Liliane Abinsour. Bonsoir, à demain. L'émission que vous venez d'entendre est le 4e épisode d'une série de 5, première diffusion sur France Culture le 13 décembre 1979. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Demain, diffusion du 5e et dernier épisode.